الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes toujours dans la série de cours. Après une très longue interruption, en premier lieu pour le mois de Ramadan, on avait stoppé pour le mois de Ramadan. Il y avait la daura aussi avec les mashikhs comme Cheikh Mohamed Ibn Ramzan Al-Hajiri, Hafidahullah, Cheikh Falah Ismail et Cheikh Ahmed Soubiri, qu'Allah les préserve tous. Et puis, pour d'autres raisons plus personnelles et professionnelles, j'ai pas pu recommencer les cours avant aujourd'hui. Ala kulli hal, on continue donc la série de cours de Cheikh Mohamed Ben Omar Bazmoul, Hafidahullah, en guise d'explication du fameux livre de Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, qui est la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, comme si tu la voyais. Hein? Et que, si vous voulez, c'est un détail du hadith comme on l'avait vu, qui est Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. D'accord? On est arrivé, après avoir discuté du fait que la Fatiha était un des piliers de la Salah, on est arrivé au chapitre où Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, Nasrul qira'ati wara al-imam fil jahriya. Et on va voir ici qu'il va parler de quoi? De l'obligation de réciter la Fatiha en même temps que l'imam dans les prières à haute voix. D'accord? On avait vu, si vous vous souvenez, vous avez revu vos notes, que la Fatiha était un pilier et que ça devait être récité dans chaque raka'a. Mais on avait parlé de qui? De Al-Munfarid. C'est quoi le Munfarid? Celui qui prie seul. On avait parlé de l'imam, évidemment. Et on avait parlé de... Qu'est-ce qui reste après? Quand est-ce qu'on doit lire la Fatiha en dehors de ça? Mais hein? À voix basse, oui, mais... Ça, tu l'as déjà dit, quand à voix basse ou à voix, quand tu pries tout seul, tu la récites la Fatiha. Mais il reste quelque chose. Mais à... À voix basse, on a l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et on va voir ici que justement, Cheikh Al-Albani, il va rapporter cet avis comme quoi, lui, il voit que il ne faut pas lire la Fatiha quand on prie derrière un imam dans les rak'at à voix haute. Et on va voir que Cheikh Bazmoul, il a un avis qui est différent. Je sais que j'anticipe un peu le sujet, mais à la kulli hal, c'est juste pour recadrer le sujet du cours aujourd'hui. Et donc Cheikh Al-Albani rahimahullah nous dit, qui est l'auteur du livre, il dit Nasrul qira'ati wara al-imam fil jahriya. C'est-à-dire, comme je l'ai traduit déjà, l'abrogation de l'obligation de réciter la Fatiha en même temps que l'imam, quand ce qu'on a dit dans les prières, ou plutôt dans les rak'at, à haute voix. D'accord? Et puis il dit wa kana qad ajaza lil mu'tammina an yaqra'u biha wara al-imam fi salat al-jahriya, حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال إني أقول ما لأنازع قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام، وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الاهتمام به، فقال: إنما جعل الإمام يؤتم به، فإذا كبروا فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا أو فانصتوا. كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، فقال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا في الجهرية. انتهى كلام المؤلف، وهو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. On traduit déjà ce passage là, et si vous voulez, c'est le maître du livre, hein, c'est-à-dire la base sur laquelle que va expliquer Cheikh Bazmoul. Le prophète alayhi salam a dans un premier temps autorisé aux gens qui prièrent derrière l'imam de la réciter dans les prières à voix haute. Et qui dit de la réciter, c'est quoi? La Fatiha. Donc vous situez bien, c'est important de comprendre qu'on parle de salawat derrière un imam et qu'on parle de la récitation à voix haute, c'est-à-dire quand l'imam récite à voix haute. Car une fois, alors qu'il dirigeait la prière du Fajr et récitait le Coran, alayhi salatu wassalam, la récitation lui devint pénible. Lorsqu'il eut terminé la prière, il demanda: « Il me semble que vous récitez derrière l'imam. » Nous dîmes: « Oui, rapidement au messager d'Allah. » Il dit: « Ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha. Car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valable. » Puis il leur a interdit de réciter quoi que ce soit dans les prières à haute voix. Hein? Et vous voyez que déjà ici, il y a ce qu'on appelle un tertib. Hein? Et c'est, et comme je l'avais dit dès le début des cours, c'est que notre méthodologie ici, c'est qu'on ne va pas entrer dans le Mesa'il Khilafi. Hein? D'accord? Si Cheikh Bazmoul il rapporte un avis, eh bien on se limite à ça. Hein? Je dis ça déjà, pourquoi? Parce que moi, l'avis que je suis, ce n'est pas l'avis de Cheikh Bazmoul. Hein? J'ai discuté un peu avec un frère de ça, je ne savais pas si je devais rentrer dans le Khilaf et rapporter, hein, les différentes paroles de savoir, rentrer un peu plus. Parce que Cheikh Bazmoul, il va rapporter les différents avis, mais il va faire ce qu'on appelle un tarjih à la fin. Il va dire: voilà l'avis de Cheikh l'Albani, et voilà l'autre avis. Il va dire: l'avis, le second, c'est pour moi le plus fort, pour telle et telle raison. Or, quand vous retournez dans Asl Sifat Salah, dont on a déjà parlé dans le premier livre, on a parlé de toutes les éditions. C'est quoi Asl Sifat Salah? C'est l'édition complète de Sifat Salah en trois volumes. Dans le premier volume, eh bien, Cheikh l'Albani fait, en de nombreuses pages d'ailleurs, toute une argumentation pour son avis, et qui en fait, si vous la lisez, c'est une réfutation de ce que dit Cheikh Bazmoul. D'accord? Mais comme j'ai dit, ici, on va se limiter à l'avis de Cheikh Bazmoul. Pourquoi? Pour se limiter à la méthodologie. On avait dit que c'est vrai qu'on n'est pas encore capable de voir Ani dans le khilaf et faire un tarjih, etc. Est-ce que le Mashiach est conseillé toujours de se limiter à un avis, et après, Inch'Allah, si on a un, on a les outils pour regarder dans le khilaf, à ce moment-là, on pourra regarder, Inch'Allah. Mais aussi pour une seconde raison. Et j'en avais déjà parlé dans un des cours. J'avais dit que Cheikh Mohamed Amel Jami, rahimahullah, ce grand savant, ce noble savant, rahimahullah, il avait donné une nasiha par rapport à ce point-là précis dans le khilaf. Il avait dit que c'est vrai qu'il y a des savants qui disent que tu ne la lis pas. Il y a des savants qui disent que tu la lis. Il dit: maintenant, qu'est-ce que le mieux dans le din? On avait déjà parlé de l'ahwat. Hein? Donc, c'est quoi? C'est ce qui est le plus pieux, ce qui est le mieux, ce qui est le plus sûr. Eh bien, c'est de quoi ici? C'est de, eh bien, c'est de la lire. D'accord? Donc, Cheikh Mohamed Amel Jami, il avait déjà fait une nasiha par rapport à ça. Il avait dit, pour le talib l'ilm, hein, qui sait voir avec l'adilla, qui sait faire un tarjih, eh bien, il regarde à ce moment-là, ici, voir lequel des avis des savants est le plus fort. En dehors de ça, eh bien, et le Cheikh Mohamed Amel Jami dit: attention, il faut la lire. Pourquoi? Parce que c'est une mas'ala, c'est un grand point, c'est une grande affaire qui a à voir et qui touche à l'authenticité de la prière. Pourquoi? Vas-y. Parce que c'est un pilier. Le Fatiha, c'est un pilier. On a vu, quand il n'y a pas de pilier, il n'y a pas de. Hein? Il n'y a pas de salah. D'accord? Donc ici, je le dis pour les frères qui me connaissent un peu, hein, qui doivent peut-être à la fin s'étonner que je me limite à la parole de Cheikh Bazmoul, parce qu'ils savent la vie que je suis sur ce point-là. Et aussi pour peut-être les frères qui estiment être capables de lire les paroles des savants et de regarder qu'est-ce qui est le plus fort, etc. Voilà, j'ai donné une référence maintenant. Ici, vous avez la référence de Cheikh Bazmoul, la vie de Cheikh Bazmoul. Il va citer une fatwa de l'Ejnat Da'ima. L'Ejnat Da'ima, il est derrière là-bas dans, pour les frères qui veulent le consulter. Le Jumal Fatawa. Et il y a le Asl Sifat Salah de Cheikh l'Albani sous le chapitre que l'on vient de citer. D'accord? Et pourquoi j'ai rapporté ça ici? Parce que ici, vous allez voir, quand vous retournez dans Sifat Salah, que Shir, il parle d'une abrogation. Dans un premier temps, a autorisé aux gens qui prièrent derrière l'imam de la réciter dans les prières à voix haute. D'accord? Puis, quand ils ont récité derrière lui, il leur a dit, après qu'il ait terminé la prière, il me semble que vous récitez derrière l'imam, nous dit oui, rapidement au messager d'Allah, il dit ne le faites pas, sauf, vous avez vu, sauf pour réciter la Fatiha. D'accord? Car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valable. Et regardez ensuite, puis, il leur a interdit de réciter quoi que ce soit dans les prières à haute voix. Et c'est ça le tertib qui rapporte Cheikh Al-Albani, et c'est pour ça qu'il dit qu'il y a un asr. Hein? Tandis que Cheikh Bezmoul, il dit qu'il y a un wajh dans le jam' entre l'adilla shara'iyya. C'est un peu technique, je sais, mais les savants, ils disent qu'avant d'aller dans l'abrogation, de dire qu'un texte abroge un autre, d'accord, c'est d'essayer de regrouper quoi? Les textes. Or, Cheikh Bezmoul, il va le prouver ici, il dit qu'il y a moyen de regrouper les textes. D'accord? Cheikh Al-Albani, lui, il a l'avis que quoi que un texte abroge celui qui était avant, qui était précédent, d'accord? Et on le voit ici dans ce qu'il dit, comment la manière dont il le rapporte, puis il leur a interdit de réciter quoi que ce soit dans les prières à haute voix, une fois, il a terminé une prière dans laquelle il avait récité à haute voix. Dans une autre version, c'est la prière de Subh. Et il a dit, est-ce que quelqu'un vient de réciter en même temps que moi? Un homme dit, oui, c'est moi envoyé d'Allah. Il dit, je me suis dit, qui vient me concurrencer? Mali ou Naza'a. Hein, mettez bien la fetha sur le nun, hein, sur Zayn, afwan, ou Naza'a. Et il a dit, est-ce que quelqu'un vient de réciter en même temps que moi? Un homme dit, oui, c'est moi envoyé d'Allah. Il dit, je me suis dit, qui vient me concurrencer? C'est-à-dire dans la récitation. Abu Hurayra, radiallahu anhu, warda, qu'est-ce qu'il dit? Les gens ont cessé de réciter en même temps que le prophète alayhi salam, dans les récitations à voix haute lorsqu'ils ont entendu cet ordre du prophète alayhi salam, et ils récitaient dans leur cœur, c'est-à-dire pour eux-mêmes, et on va voir si on a le temps aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire réciter pour soi-même, ou dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire comme font certaines personnes de rester debout et de ne pas bouger les lèvres et la langue. Ça, les ulama, bittifaq ahl lugha wa ahl shara, c'est pas une qira'a ça, comme on va le voir plus tard inshallah. Il dit sans élever la voix lorsque l'imam récitait à voix basse. Il a rendu alayhi salatu wassalam le fait d'écouter la récitation de l'imam comme faisant partie de la conformité des gestes du prieur à ceux de l'imam, en disant l'imam n'a été désigné que pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, ou si vous voulez lorsqu'il fait le takbir, dites Allahu Akbar, c'est-à-dire faites le takbir. Et lorsqu'il récite, regardez, écoutez le hadith, lorsqu'il récite quoi? Fa'ansitu, taisez-vous. Hein? Et ça va dans le sens d'un verset du Coran. Hein? Comme on va voir plus tard. Wa idha quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Comme il a rendu également le fait d'écouter la récitation comme une dispense. Hein? Vous voyez le mot qu'il utilise ici, pour une dispense pour le prieur de réciter derrière l'imam, en disant celui qui prie derrière l'imam, la récitation de l'imam lui suffit. Donc vous situez un peu la vie de Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire qu'on prie seul, qu'est-ce qu'on fait? On récite la Fatiha ou pas? C'est important des fois de résumer un peu de bien. Hein? On lit la Fatiha ou pas? À voix haute ou à voix basse, il y a une différence ou pas? Hein? Non, il n'y a pas de différence, d'accord? Quand tu pries seul, tu récites la Fatiha. Maintenant, tu es imam, tu récites la Fatiha ou pas? Bien sûr. Hein? Maintenant, tu es derrière l'imam. C'est quoi le tafsil ici, maintenant, de Cheikh Al-Albani? C'est quoi le détail? Vas-y. C'est-à-dire, l'imam, sois précis. Est-ce que c'est dans les unités de prière, les rak'at, à voix haute ou à voix basse? À voix haute, l'imam, il lit. Et sa lecture est une lecture pour toi. Et ça devient donc une dispense pour toi de lire la Fatiha. Et vous allez voir qu'une des raisons pour laquelle Cheikh Bezmoul, les lejnat da'ima, ils disent que tu dois lire la Fatiha, c'est parce qu'ils rendent ce hadith da'if. Or, quand vous retournez Sifat Salah de Cheikh Al-Albani, avec sa spécialité le hadith, il y a pas mal de pages, il rapporte tout le tachrij du hadith, etc., les riwayats qui le renforcent, etc., et il prouve que le hadith il est sahih, justement. D'accord? Et donc, dans la rak'at à voix haute, où l'imam prie à voix haute, qu'est-ce que tu fais toi derrière lui? Tu te tais et tu écoutes, et que sa lecture, la lecture de l'imam, est une dispense pour toi de lire la Fatiha. Donc vous situez un peu. Hein? Tandis que vous allez voir que la vie de l'ijna d'a'ima, de Cheikh Bezmoul et des savants, qui suivent cet avis. L'autre avis, c'est quoi? C'est le fait que tu la lis mutlaqan. Que tu la lis dans quelques circonstances que ce soit. Que tu sois seul, en imam, derrière l'imam, dans les prières à la rak'at à voix haute ou à voix basse. D'accord? Maintenant, justement, on a l'explication de Cheikh Bazmoul sur ce point-là. Et il dit, hafidahullah, هذا في هذا الفصل يقرر المصنف رحمه الله ويشير يعني بذلك شيخ الألباني رحمه الله أن قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية منسوخة. On a dit quoi? Nasr, c'est quoi? C'est l'abrogation. Donc منسوخ على وزن مفعول, c'est quoi? C'est un texte qui est abrogé. فالمصلي إذا صلى خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يقرأ فاتحة الكتاب وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله من أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية إنما يستمع إلى قراءة الإمام وهو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. Donc l'avis de Cheikh Al-Albani, c'est aussi l'avis de qui? Ibn Taymiyyah. Il rapporte la référence dans le Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, dit volume 23, page 266, wa ma ba'daha, et les suivantes. On va traduire ça après, inshallah. Wa ladhi 'alayhi ahlul hadith wa huwa alladhi 'alayhi al-fatwa min al-lajnah al-da'imah 'indana fi al-mamlakah al-'arabiyyah as-sa'udiyyah. في هذه المسألة الأخذ بعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جاء في فتوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم في سيت النمرو 5232 السؤال التالي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبروا فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة ويقول جل شأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سورة الأعراف ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سماحة الشيخ. Donc il y a des gens qui posent une question à l'Ijna الدائمة, la communauté permanente pour la fatwa. Ils disent نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة. Donc il y a des textes concernant la fatiha, la récitation de la fatiha. Maintenant, les gens ils demandent qu'est-ce, comment est-ce qu'on regroupe ces textes? Est-ce qu'il y a un wajah dans le jama'? D'accord? لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. La question continue, on va la traduire entièrement après, inshallah. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم؟ ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله. الجواب: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فعام, وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا عام في الفاتحة وغيرها, فيخصصان بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جمعا بين الأدلة الثابتة. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف على خلاف شيخ الألباني الذي يصححه في أصل صفة الصلاة, فارجعوا إلى المصدر المذكور إن شاء الله. ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة. وبالله التوفيق, وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هي توقيع سيناتور دي كي وي لي غران سافون كي سون لا, عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان, عبد الرزاق عفيفي, عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله على الجميع. D'accord? Donc on va déjà traduire ce passage-là. Donc Cheikh Bazmoul, en guise d'explication concernant l'abrogation de l'obligation de lire la Fatiha, hein, derrière l'imam quand il récite à voix haute, Cheikh Bazmoul explique ça en disant l'auteur, et il fait référence à Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, établit dans ce chapitre que la récitation, la lecture de Sourate al-Fatiha est abrogée pour celui qui prie derrière un imam. C'est-à-dire qui? On l'appelait al-ma'moum. Et ce, dans les prières à voix haute. Le prieur, donc, lorsqu'il prie derrière l'imam dans une prière à voix haute, ne récite pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire le Fatiha. Pour les frères qui ont l'explication de Cheikh l'Éthiopie, des Sharh Sunan Nasa'i, il a rapporté les différents noms de Fatiha et les a expliqués une par une. D'accord ? Et c'est l'avis de l'auteur, c'est-à-dire Cheikh l'Albani, rahimahullah, que Al-Ma'moum, celui qui prie derrière l'imam dans une prière à voix haute, ne récite pas la Fatiha et se contente d'écouter la récitation de l'imam. Et c'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah. Il vous donne la référence pour ceux qui ont Ibn Taymiyyah, le Majmu' al-Fatawa à la maison. Va le recueil de Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 23, page 266 et suivante. L'avis maintenant de Ahl al-Hadith, les gens du Hadith, et c'est l'avis également donné dans une fatwa par le comité permanent chez nous en Arabie Saoudite. C'est Cheikh Bazmoul qui parle évidemment. Sur ce point, est de prendre le Hadith de Ubadah ibn Samit dans sa généralité. Le Hadith dont le sens est « Pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre ». Qu'est-ce qu'on comprend ici dans la part de l'Ijnat Da'ima ? Ce qu'on le prend dans sa généralité, c'est-à-dire que dans toutes les prières, eh bien, pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Cheikh l'Albani, il cite ce hadith, mais il dit quoi ? Pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre, sauf évidemment, comme on a dit quoi ? Dans les prières derrière l'imam à voix haute, pourquoi ? Parce qu'il est dispensé par le hadith qui dit que la lecture de l'imam est une lecture pour lui. Situé un peu maintenant. Il a été rapporté dans le recueil de fatwa du comité permanent Lejnat Da'ima Fatwa 5232 la question suivante. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imam n'a été désigné que pour être suivi. Donc s'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et s'il récite, taisez-vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie derrière un imam, la récitation de l'imam lui suffit. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit: et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Sourate Al-A'raf, verset 204. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Noble cheikh, nous voudrions que vous apportiez un bienfait en regroupant ces textes, car certains disent que si la prière est à voix haute, qu'ils peuvent lire la sourate al-Fatiha après que les gens qui prient derrière l'imam aient dit « Amin ». C'est-à-dire une des manières de répondre de Cheikh l'Albani dans ses cassettes, pour ceux qui connaissent un peu les cassettes de Cheikh l'Albani, c'est qu'il dit « Si on doit la lire, quand est-ce qu'on va la lire ?» Il dit parce que Cheikh l'Albani dit « Rahimallah », il dit « Le Fatiha, on doit écouter le Fatiha, c'est le Coran ». Après on dit l'imam, il dit amin, on dit amin, mais l'imam, hein, contrairement à ce que font certaines personnes, il doit se taire très légèrement quand on prend le souffle et continuer. Et le fait de se taire pour laisser les gens lire le Fatiha, ça ne fait pas partie de la sunna. Donc il va commencer quoi? La lecture de la deuxième sourate. Or c'est encore le Coran. Donc quand est-ce qu'on la lit, dit Cheikh l'Albani rahimahullah? Ceci est-il autorisé ou pas? Qu'Allah vous facilite. Et s'il est autorisé à l'imam de se taire, après que les gens derrière lui aient dit Amin pour qu'il puisse réciter la Fatiha, qu'en est-il du sens de leur ta'min, le fait de dire Amin? Hein, vous savez que la question elle est bien posée. Hein? Alors que nous pouvons lire dans certains livres que le ta'min des gens qui prient derrière l'imam par rapport à surat al-Fatiha équivaut pour eux au fait de réciter le Fatiha. Qu'Allah vous facilite. La réponse maintenant de l'Ijnat Da'ima. L'avis juste, parmi les différents avis, donc ils rapportent déjà, ils savent déjà bien qu'il y a un khilaf, ils disent que l'avis qui est juste pour eux. Hein? L'avis juste, parmi les différents avis des savants, c'est l'obligation de réciter Surat al-Fatiha dans la prière pour celui qui prie seul, Al-Munfarid, l'imam et Al-Ma'moum. Celui qui prie derrière l'imam. Et ce, dans la prière à voix haute et la prière à voix basse. Et ce, en raison de l'authenticité des preuves qui indiquent cela et leur spécificité. Tandis que la parole d'Allah dans le sens est, et quand on récite le Coran, prêtez-lui attentivement, l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah, ce verset est général. ainsi que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et si l'imam récite, taisez-vous. Ce texte est général pour la Fatiha et autres. Mais ces deux textes sont spécifiés, restreints par le hadith, pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Et ce, en regroupant les textes authentiques. Tandis que le hadith, celui qui prêterait un imam, l'arrestation de l'imam lui suffit, ce hadith est faible. Et il n'est pas correct de dire que le ta'min des prières derrière l'imam lorsqu'il récitait le Fatiha équivaut pour eux à réciter le Fatiha. Et dans la référence, Fatawa du comité permanent pour les recherches scientifiques à la fatwa, et elle est signée par Abdullah ibn Qu'oud. Regardez, c'est tous des savants qui sont morts parmi les plus grands savants de notre époque. Abdullah ibn Qu'oud, Abdullah al-Rudayan, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, avec qui on avait des cours ici dans l'explication de Kitab Tawhid par téléphone, rahimahullah. Et Abdelrazak Afifi et Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah le fasse miséricorde à tous. Et Cheikh Bouzboul, il continue en disant وَيَتَحَصَّلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ. Maintenant, il va rapporter quoi? Après avoir rapporté l'avis de Cheikh Al-Albani, l'avis des autres savants, l'ajnad da'ima, il va rapporter les deux avis, en fait, et après, il va faire ce qu'on appelle un tarjih. Il va rapporter ce qui est lui, pour lui, le plus fort. Il dit مَنْ يَرَى يَتَحَصَّلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ أي القول الأول من يرى أن قراءة الفاتحة مطلوبة من المصلي مطلقا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا سواء كان في صلاة سرية أو جهرية سواء كانت الصلاة فردا أو نفلا سواء الصلاة حضرا أو سفرا وكان سواء كانت الصلاة ليلا أو نهارا يعني الفاتحة مطلوبة عموما من المصلي في كل ركعة من الصلاة. Donc c'est quoi le premier avis qui est cité par Cheikh Bezmoul ici? Il y a donc sur ce point deux avis, il dit. Le premier, celui de ceux qui voient que la récitation d'Al-Fatiha est demandée de manière, ce qu'on appelait mutlaqa, absolue. C'est quoi le contraire d'absolu? C'est restreint. C'est-à-dire qu'ici c'est absolu. Il n'y a pas de restriction. Où est la restriction? Ce qu'il a dit Cheikh Al-Albani, sauf dans la prière derrière l'imam à voix haute. Donc ici, l'avis, ici, c'est quoi? Le premier avis, c'est qu'il n'y a pas de restriction, c'est absolu. Celui de ceux qui voient que la récitation d'Al-Fatiha est demandée de manière absolue, mutlaqa, que ce soit l'imam, celui qui prie derrière lui ou celui qui prie seul, que ce soit une prière à voix haute ou à voix basse, et que la prière soit un fard. Hein, on avait déjà dit que quand on parlait de farida ici dans la prière, on dit quoi? On fait référence aux cinq prières, d'accord? Obligatoire, quotidienne, ou une prière surrogatoire, ce qu'on appelait un nafl. On avait déjà expliqué ce que ça voulait dire dans un de nos cours. Que ce soit en voyage ou en résidence. Que ce soit une prière nocturne ou diurne, c'est-à-dire une prière la nuit ou le jour. C'est-à-dire, résumé de cet avis-là, que la Fatiha incombe aux prieurs de manière générale dans chaque unité de prière. Ça, c'est le premier avis. D'accord ? والقول الثاني أن الفاتحة مطلوبة من المصلي في كل صلاة إلا أنا غامل بالكواسة استثناء إلا في الصلاة الجهرية إذا صلى مأموما خلف الإمام. والقول الأول هو الراجح عند أهل الحديث وعند الشيخ ابن باز ابن عثيمين والمشايخ عندنا في المملكة. والقول الثاني اختاره ابن تيمية والألباني وغيرهم من أهل العلم. Qu'est-ce que Cheikh Bezmoul dit ici? Le deuxième avis, que la Fatiha incombe aux prières dans chaque unité de prière, sauf, illa, dans les prières à voix haute, à condition de prier derrière un imam. Le premier avis est le plus fort pour les gens du hadith. Et Cheikh Ibn Baz et Ibn Al-Uthaymin, et les chiouks chez nous en Arabie. Le deuxième est préféré par Ibn Taymiyyah et Al-Albani, et d'autres parmi les gens de science. Et ce qui m'apparaît l'avis le plus fort, hein, c'est qui parle? C'est pas moi, évidemment, c'est Cheikh Bezmoul. Il dit quoi? Il dit والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول وهو أن المصلي لابد له من قراءة سورة الفاتحة سواء كان منفردا أو إماما. Vous corrigez une hamza là, imam pour ceux qui ont la même édition que moi, c'est faux. La retirer, Inch'Allah. Ou ma'mouman fi siriyati wal jahriya. Yurajjihu dhalika al-umuru taliyatu. Et puis rapporte les points pourquoi cette parole, cet avis-là est le plus juste. Il fait ce qu'on appelle une argumentation. D'accord ? Hein ? Je sais qu'il y a des frères qui sont un peu endormis, d'autres qui regardent leur téléphone, mais essayez de vous concentrer un peu, Inch'Allah. Il dit donc, et ce qui m'apparaît l'avis le plus fort, c'est Cheikh Bazmoul qui parle. C'est le premier avis selon lequel on doit réciter la Fatiha que l'on prie seul, imam ou derrière un imam, dans les prières à voix basse et les prières à voix haute. Cet avis est rendu le plus fort par les points suivants. Je vous rappelle pour les frères qui s'endorment un peu, c'est Cheikh Saleh Ali Cheikh qu'on avait vu dans la Daura, et le frère Barahim nous l'avait lu devant tout le monde. Il confine quand un conseil, il dit quand quelqu'un il se sent un peu somnolent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il change de place. Hein? Il ne faut pas vous sentir honteux de faire ça, il n'y a pas de problème, hein? Ça arrive à tout le monde. Hein? Donc on a dit quoi? Cet avis est rendu le plus fort par les points suivants. Il va rapporter les différents points. Il dit que quoi que la base, c'est qu'il n'y a pas d'abrogation. C'est ça la base. Il n'y a pas d'asl jusqu'à preuve du contraire, si vous voulez en français. D'accord? Deuxième, c'est وَأَنَّهُ لَا يُصَارُ إِلَى الْقَوْلِ بِالنَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ وَالتَّوْفِقِ. Ça, c'est des usuls qui vous donnent les frères ici. Première chose, c'est quoi? C'est l'asl. Il n'y a pas d'abrogation jusqu'à preuve du contraire. Deuxième, c'est qu'on ne va pas rapporter ou dire l'avis de l'abrogation s'il y a moyen de quoi? De faire ce qu'on appelle un jam' en tawfiq bin al-adillah, c'est-à-dire de regrouper les textes entre eux. D'accord? فَإِنَّ الْجَمْعَ وَالتَّوْفِيقَ بَيْنَ النُّصُوصِ مُمْكِنٌ بِأَنْ تُخَصَّصْ الْفَاتِحَةُ مِنْ جَمِيعِ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ فِي الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ فَتُخَصَّصُ الْفَاتِحَةُ مِنْ عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سورة الأعراف ومن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا فينصت لقراءة الإمام فيما زاد عن الفاتحة على أن الإنصات لا يتنافى مع قراءة الفاتحة في السر. Et puis il va expliquer pourquoi. Donc on a dit quoi? Première raison, c'est que la base, c'est qu'il n'y a pas d'abrogation jusqu'à preuve du contraire. Deuxième raison, qu'on ne tend pas vers l'abrogation s'il y a une possibilité de regrouper les textes, de faire ce qu'on appelle un jam' ou un tawfiq, bain al-adilla. Or ici, qu'est-ce qu'il dit le shir? Al-jam'u mumkinun. Or ici, le jam' est possible. Il est possible de regrouper les textes en disant que la fatiha est restreinte de la généralité de tous les textes qui ordonnent de se taire. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui ordonnent de se taire, d'accord? Quand le Coran est lu, eh bien, il y a d'autres textes qui disent qu'on doit lire la Fatiha. Comment est-ce qu'on comprend ça? Eh bien, à ce moment-là, qu'il est obligatoire de se taire quand le Coran est lu, sauf pour réciter le Fatiha. Il dit, la Fatiha est donc restreinte de la généralité du verset de Sourate Al-A'raf, dont le sens est, et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez-le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Hein, vous remarquez pour les frères qui ont fait un peu de langue arabe, c'est quoi le verbe ici? وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنَ فَ Allah il a dit فَاسْتَمِعُوا أَوْ فَاسْمَعُوا l'istima'. C'est pour ça qu'ils ont traduit dans la traduction du nouveau Coran d'Arabie Saoudite par prêtez-lui l'oreille attentivement. Et regardez وَأَنْصِتُوا et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et elle est restreinte, quand on dit elle, c'est qui? Sourate al-Fatiha, de la généralité de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam n'a été placé que pour être suivi. S'il fait le takbir, faites alors le takbir, et s'il récite, taisez-vous. Mais ces textes prouvent quand même qu'il faut se taire quand l'imam lit. Mais qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Bazmoul, ici? Naam, sauf qu'il y a une restriction pour Sourate al-Fatiha, et il y a là-dedans un jam' entre l'adillah. Puis il va rapporter un point qui est quand même intéressant ici. Il dit, on se tait donc lorsque l'imam récite autre chose en plus, si vous voulez, de la Fatiha. D'accord? Regardez ce qu'il va dire ici. En sachant que le fait de se taire n'entre pas en contradiction avec le fait de lire la Fatiha à voix basse. D'accord? Il va prouver ça. Comment est-ce qu'on comprend ça? On l'a déjà vu, hein? Oui, mais comment est-ce qu'il prouve ça? Ça, c'est ce qu'il est en train d'essayer de prouver, ce que tu dis, c'est juste, tu vois. Mais comment est-ce qu'il va le prouver? Et je vous donne la réponse maintenant, c'est quoi? Il dit, c'est... Ala tara ila hadithi Abi Hurayra radiyallahu anhu. Et je vous ai rapporté ce hadith-là, et j'avais même été voir dans le chat de l'Éthiopie pour un mot. Ça vous dit rien? Hunayyatan. Hunayyatan. Vous vous souvenez pas de ce mot-là? Je passe des heures à chercher dans les livres pour trouver un mot, mais vous en rappelez plus. Hunayyatan. S'il vous plaît, je vous lis le hadith parce que ça va vous revenir, Inch'Allah. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية كيف ça veut dire يسكت إسكاتة أو هنية on avait vu ça personne فقلت بأبي وأمي ça aussi on avait vu بأبي وأمي qu'est-ce qu'il est en train de dire le sahabi ici بأبي وأمي يا رسول الله qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? Est-ce qu'il est en train de jurer par son père et sa mère? Là. Donc c'est quoi ici? On avait vu tout ça. Bi abi wa ummi ya Rasulallah. Nous, on est entre frères, on se fait nasser les uns les autres. Il faut pas, on ouvre les cœurs et on accepte le haq. Je vous avais toujours dit, il faut noter dans les cours. Je vous avais toujours donné l'exemple qu'un pêcheur qui va à la pêche sans filet, les gens vont le prendre pour un fou. C'est exactement ce qu'on fait quand on vient court sans feuille et sans stylo. Ça, il n'y a pas de secret. Je sais qu'il y a des frères qui sont un peu nouveaux ici. Alhamdulillah, ce n'est pas un problème. Mais je parle plus aux anciens qui ont l'habitude d'un c'est un peu drillé, comme on dit. Il n'y a pas de secret. Il faut pas des feuilles volantes. Les feuilles volantes, c'est le meilleur moyen pour dire après, j'ai perdu la feuille. C'est pour ça que j'achète des livres qui sont comme assez chers pour vous faire les cours. Parce que moi, je me connais. Si j'ai des feuilles volantes, je les perds. Alors, qu'est-ce que je fais? J'achète des beaux livres en cuir comme ça. Pourquoi? Pour comme ça reste à vie, Inch'Allah. Donc, j'ai toutes mes notes ici. Et les notes, ça sert à revoir. Je vais rapporter la méthodologie de l'Hafd al-Hakami, rahimahullah. Qu'est-ce qui a fait de lui, si vous voulez, un imam de sa taille et de sa valeur et de sa grandeur dans l'ilm, en sachant qu'il est mort à quel âge, l'Hafd al-Hakami? 35 ans. Moi, j'en ai 33. 35 ans, je crois. C'est très jeune. Il était déjà venu un savant, il avait déjà écrit des livres, et dans tous les sujets. On avait dit que l'imam al-Qara'awi, rahimahullah, je répète encore cette histoire, c'est que quoi? C'est que l'imam al-Qara'awi, il a revivifié la da'wah salafia dans le sud de l'Arabie Saoudite. L'imam al-Qara'awi, rahimahullah, c'est le cheikh parmi les chouyours de Cheikh Najmi, rahimahullah. Cheikh Najmi, c'était qui? Vous connaissez sa valeur et sa place dans la science. C'était l'ancien mufti, rahimahullah, du sud de l'Arabie Saoudite. D'accord? Mais c'était parmi les chouyours de Cheikh Rabi et d'autres. Donc l'imam Qara'awi rahimahullah, c'est le cheikh de Cheikh Najmi, le cheikh de Cheikh Rabi', le cheikh de Cheikh Al-Hafid Al-Hakami lui-même, le cheikh de Cheikh Zayd ibn Hadi Al-Madkhali et d'autres mashaykhs encore. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il préparait son cours avant d'aller au cours. Il notait pendant le cours, le fawa'id. Et c'est vrai qu'il avait une mémorisation, qui était min Allah azza, min Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il arrivait à mémoriser un sharh en une leçon. L'imam al-Qara'awi, il était berger, il faut savoir qu'il était berger, il voulait absolument étudier chez le cheikh, et il ne pouvait pas parce que ses parents avaient besoin de lui. Et puis, l'année d'après ou quelques années plus tard, ses parents l'ont laissé partir pour étudier chez l'imam al-Qara'awi, rahimahullah. Un an, il a étudié, un an après, il a enseigné, et l'année d'après, il a écrit des livres. Il a hafid le Qur'an en un mois, un juste par jour. Il faisait le hafid le matin, si vous voulez, la journée, et le soir, il prie tarawih comme imam avec le juz. C'est vrai que Allah Azza wa Jal lui a donné un don, bilashak. C'est parce qu'il le méritait aussi. Et aucun doute qu'il y a un gros travail derrière tout ça. Cheikh Najmi Rahmallah, il disait que quand lui, il faisait, parce qu'ils étaient ensemble, quand il faisait un juz du Coran, Cheikh Najmi, il faisait le double de nous, il disait. Donc ça veut dire que Cheikh Najmi, en combien de temps il a fait le Coran? En deux mois. C'est le cas de mon nombre de mashaykh, comme Ahmed l'Imam au Yémen, il a fait le Coran en deux mois. Et d'autres encore. Donc il faisait, l'imam Qara'awi rahimahullah, il a rapporté un livre qui s'appelle Tuhfat al-Atfal. Vous connaissez sûrement dans Tejouid. C'est un livre pour débutants dans Tejouid. Souvent on l'appelle Tuhfat al-Atfal parce que c'est un livre pour débutants. C'est un livre pour nous aussi. Et ce livre-là, Cheikh Al-Qara'awi, il a donné par l'ancienne méthodologie où il faisait la dictée. D'accord ? Il faisait ce qu'on appelle imla. Donc il cite le matn et puis il cite le sharh, etc. Bilhaf al-Hakami, en une jelsa, il a fait le matn le sharh. Quand Al-Qara'awi a fait ça, il a dit qu'il le voulait comme élève. Il a vu. Hein ? Ce garçon-là, ce jeune homme-là, avait des grosses capacités. À la kulliha, la méthodologie, c'est quoi ? C'est qu'il préparait son cours avant le cours. C'est qu'il venait au cours, il prenait des notes. On avait dit quoi ? Que Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit que prendre des notes, ça peut être par un enregistreur. Hein ? À condition quoi ? De demander l'autorisation. Ou Cheikh Al-Uthaymeen, il a dit, si maintenant tu vois que l'enregistreur est déposé et que le frère qui donne cours, dans mon cas ici, ou un cheikh qui donne cours, c'est quoi ? Il dit rien, ça veut dire que tu peux le déposer, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, tu peux prendre tes notes à la maison. Donc prendre les notes et après quoi ? Revoir les notes à la maison, il y a ikhwa. Hein, et chacun se pose la question à lui-même, moi je ne veux pas de réponse, qui revoit ses notes à la maison après le cours ? C'est ce qu'on appelle muraja'a. C'est pour ça aussi qu'on n'avance pas dans le Coran. Muraja'a. Hein, on construit sur le château de sable sur de l'eau et puis chaque fois ça s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un bon barnamage dans le muraja'a. Quand vous voyez tous les programmes des mashayikh dans le Coran et autres, il y a toujours quoi ? Un passage sur le muraja'a. Pour les frères qui le veulent, je l'ai traduit. C'est Cheikh Abdel Mohsen Qasim, il a fait une méthodologie comme Mahfal Qur'an et revoir le Qur'an. Méthodologie complète, jusqu'à ce que tu aies fini le Qur'an et après que tu aies fini le Qur'an. C'est-à-dire pour toute ta vie. Quand même le revoir quand tu l'auras, Inch'Allah. Pour ceux qui l'ont déjà. D'accord ? Eh bien quoi ? Cette traduction-là, elle est sur quel site maintenant ? Salafi du Nord, c'est ça, hein ? Elle est sur Salafi du Nord en PDF. Si vous voulez la lire, Inch'Allah. Je sais que je sors un peu du sujet, mais en vérité, je ne sors pas du sujet. Parce que ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'apprendre le dîn, ya ikhwa. L'apprendre le dîn, c'est le prendre sur le moment même, le comprendre, mais il faut le garder après aussi, ya ikhwa. Et aussi, une des raisons pour laquelle on fait ces cours, c'est d'essayer un jour ou l'autre de former des do'ats. Car on a un grand besoin de do'ats. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler. On ne peut rien avoir sans fournir un travail, un effort. Après avoir vu ces notes, qu'est-ce qu'il dit le Hafil Hakami ? Évidemment, quand tu revois tes notes, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Des questions, des masaïl que tu veux revoir, des choses que tu as peut-être pas très bien compris, ou tu veux plus de détails, etc. Surtout quand tu as fait, comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes cours, quand je cite des sources, quand tu étais voir les sources. C'est-à-dire que quand c'est une fatwa d'Ibn Taymiyyah, évidemment, les ulama ils disent pas à un débutant, tiens, mais je m'en fatwa d'Ibn Taymiyyah, 37 volumes, tfaddal, va étudier. Ils disent pas ça, les machères. Mais quand il cite une fatwa d'Ibn Taymiyyah dans un cadre d'un livre comme celui-là qui est un livre quand même pour nous qui sont débutants parce qu'on doit savoir comment prier, eh bien ça veut dire que tu peux aller la voir, cette fatwa dans la source, à la lumière de ce qu'a dit le shir. Donc tu vas la comprendre, Inch'Allah. Et tu vas prendre plus. Ça, c'est une méthodologie à avoir. Qui fait ça d'entre nous, parmi nous ? Et après, comme on a dit quoi ? Eh bien, c'est que le Hafl Hakami, rahimahullah, il venait chez l'imam Qara'awi et il débattait avec lui dans sa mektaba. De Masa'il. Il faisait ce qu'on appelle Al-Mudhakara. Et ça, c'est un point. J'arrête pas d'insister sur ce point-là, parce que c'est un point très, très, très important et qui nous manque beaucoup. C'est le Mudhakara fil ilm. Vous voyez, quand vous parlez de Masa'il avec un frère, c'est quoi l'istighatha ? Fil l'ura, fil istilah, c'est quoi le dalil ? C'est quoi l'istighatha shirkiya ? C'est quoi l'istighatha shar'iya, etc. Mais quand tu discutes avec un frère, question-réponse, comme ça, où tu expliques au frère, c'est là que tu vois ce que tu n'as pas compris, c'est là que tu vois tes lacunes. Et c'est aussi, c'est là, subhanallah, que ces notions-là, tu les gardes à vie. Tu les gardes à vie, inshallah. Pourquoi ? Parce que tu les as débattues avec quelqu'un, et comme ils disent en anglais, you internalize the knowledge, la science, tu en fais une partie de toi-même. D'accord ? Donc ça, les frères, il faut avoir ce genre de méthodologie. Et moi, je vous dis ça comme un frère, fillah azza wa jal, qui vous aime en Allah azza wa jal. Et c'est ça, le prix de la mahabba, fillah azza wa jal, c'est pas de se taire, de rigoler. C'est de faire, non, c'est halillah azza wa jal. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. J'avais déjà vu dans un de mes cours, j'avais déjà dit un hadith qui est Hassan, jugé Hassan par Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est que les Sahaba, quand ils étaient ensemble, ils ne se quittaient pas sans... Par exemple, il y avait un sahabi avec un autre. Il ne se quittait pas sans réciter surat l'Asr. Regardez l'importance de cette surah-là, de cette surat-là. D'accord ? Donc, Inch'Allah, je sais que des fois, ce qu'on entend, ça remet un peu en question, ça nous met un peu mal à l'aise, etc. Ok, le haq, c'est le haq. Le haq, c'est le haq. C'est ça qui fait, Inch'Allah, qu'on est salafi, on accepte le haq. Hein? Et on se rappelle le haq, et on s'enjoint le haq. Hein? Et que ça nous fait du bien, Inch'Allah, et que ça fait qu'on change aussi. D'accord? Je sais que je suis sorti du cours là, mais en vérité, des fois, on en a besoin. La kulli hal. Qui sait me rappeler où j'étais? Barakallahu fik. Donc on a dit quoi? C'est qu'il rapporte en fait que le fait de se taire pour écouter, hein, ça ne va pas à l'encontre de quoi? De réciter à voix basse. Et il cite pourquoi. Il dit, أَلَا تَرَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول غادي والله غادي حرص الصحابة ها الذي ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا يا الحديث كوس كون افيز حديث لا كنت انا في الشابيتر سور Adiyatul istiftah, barakallahu fikum. Naam, ahsantum, c'est quoi sur le chapitre sur les invocations d'ouverture. Donc vous voyez déjà qu'on a déjà vu ce hadith. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith ici? Il dit, Cheikh, ne vois-tu pas le hadith d'Abu Hurayra qui dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se taisait un court moment entre le takbir et l'arrestation. Alors moi j'ai écrit ici, je vous rappelle que dans un de nos cours, je vous avais traduit ce hadith en me basant sur l'explication de Cheikh Mohammed ibn Adam al-Ethiopi dans son explication de Sahih Muslim. Où il avait dit que Sakata hunayatan ay sa'atan latifatan. Ihfadouha. Sakata hunayatan ay sa'atan latifatan, c'est-à-dire un court moment. Il a précisé la nature du fait de se taire dans ce hadith. Wal muradu bis sukuti huna عدم القراءة جهرا وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول فلا يتأتى السؤال بقوله ما تقول في سكوتك. Regardez les ulama comment ils comprennent nos sharia. Abu Huraira, il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre le takbir et le Fatiha, il fait quoi? Il se tient un court moment. Regardez les hirs sahaba Abu Huraira radiallahu anhu arda, celui qui rapporte le plus de hadith de la sunnah. Il dit, Bi'abi wa ummi, ya Rasulallah. Qu'est-ce que tu dis? Regardez, qu'est-ce que tu dis pendant ton silence? Nous, on va lire ce hadith-là, et khlas. On n'a rien vu, hein, c'est passé devant nous comme. Hein? Regardez l'ulama. Qu'est-ce que tu as dit pendant ton silence? Mada taqulu fi iskatika, ou fi sukutika. Il dit. Et ça, c'est une faïda rapportée par Afad Houssindi, rahimahullah. Ce qui est entendu par se taiser un court moment dans ce hadith, c'est-à-dire, il ne lisait pas à voix haute. Hein? Car le fait de se taire vraiment va à l'encontre de la parole. Et donc, la question, que lis-tu dans ton silence, n'aurait aucun sens. Donc, Abu Huraira, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait savoir qu'est-ce qu'il disait. Parce qu'il sait très bien que le prophète disait quelque chose. Et donc, il savait très bien qu'il ne se taisait pas, mais il est dans ton silence, c'est-à-dire dans le moment où tu ne lisais pas à voix haute. Qu'est-ce que tu disais? Et on revient au hadith, il dit, je dis, c'est-à-dire Abu Huraira, puisses-tu vivre bi-abi wa ummi. Quand vous entendez bi-abi wa ummi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein? C'est ça que ça veut dire dans la langue arabe. Puisses-tu vivre auprès de la vie de mon père et de ma mère? C'est ça que ça veut dire. Fidaka bi abi wa ummi ya Rasulallah. Que dis-tu dans ton silence? Et c'est Cheikh l'Éthiopie qui dit ça. Hein? Que dis-tu dans ton silence entre le tekbir et l'arrestation? Regarde encore une fois. Que dis-tu dans ton silence? Il dit, je dis, oh Allah, éloigne-moi de mes péchés jusqu'à la fin du hadith. D'accord? Il a donc appelé Soukout. Il l'a donc appelé comment? Sukutun. qui vient du verbe sakata yaskutu sukutan. Hein? C'est-à-dire se taire. Alors qu'il dit à voix basse l'invocation d'ouverture. Et ce qui a été rapporté, celui qui prie derrière un imam, la lecture de l'imam lui suffit. Cheikh continue, en fait l'explication, on est sorti là maintenant de ça, il dit, si c'est authentique, il faut en restreindre la fatiha. D'accord ? Donc il dit, si c'est authentique, on a dit que quoi, que c'était un texte authentique, Cheikh Al-Albani l'a authentifié, pour les frères qui ont fait un peu de moustalah, hein, ou qui veulent juste lire le résumé à la fin, parce que Cheikh Al-Albani, chaque fois qu'il fait un long takhrij, à la fin, il rapporte une khulasa. Hein ? Et le hadith, il est sahih. Il dit quoi ? Il dit, سماه سكوتا هو يقول في دعاء الاستفتاح سرا وما روي من من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة إن صح تخصص منه الفاتحة أو تخصص منه الفاتحة عفوا فمن صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد عن الفاتحة. C'est comme ça que le cheikh explique le hadith en fait. S'il était authentique, et nous on sait bien qu'il est authentique. Il dit, فمن صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة فيما زاد عن الفاتحة وما أورده المصنف واعتبره ناسخا وهو ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل فغجتان الرأي ما كان رأيت يا رجل نعم أنا يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام يخصص منه الفاتحة فيكون معناه انتهى الناس عن قراءة ما زاد عن الفاتحة فيما يجهر فيه الإمام. Donc pour terminer ce point, ce que l'auteur a rapporté, a considéré comme abrogeant, c'est ce qui a été rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'après avoir fini une prière à voix haute, et dans une version on a vu que quoi du hadith que c'était salat subh, il dit, est-ce que quelqu'un parmi vous a lu en même temps que moi? Un homme dit, oui, moi, au messager d'Allah. Il dit, je me suis dit, qui vient me concurrencer? Mali unaza'a. Abu Hurairah, radiallahu anhu arda, il dit, les gens ont cessé de réciter en même temps que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les récitations à voix haute, lorsqu'ils ont entendu cet ordre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils récitaient dans leur cœur, c'est-à-dire pour eux-mêmes, et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, inshallah, sans élever la voix, lorsque l'imam récitait à voix basse. Il dit, on restreint de ce texte, al-Fatiha, son sens est donc, les gens ont cessé de réciter ce qui est en plus de la Fatiha, dans la prière où l'imam lit à voix haute. Troisième et dernier point, أن هذا الجمع هو ما دل عليه الحديث الذي أورده المصنف حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والله الموفق. Il dit, Cheikh Bazmoul, troisième point pour lequel il voit que la vie le plus fort, c'est-à-dire la Fatiha derrière l'imam, même dans les prières à voix haute, que ce regroupement des textes est indiqué par le hadith rapporté par l'auteur Cheikh Al-Albani, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récité dans la prière du Fajr, et je vous rappelle l'obligation de dire, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on entend le messager d'Allah, et Cheikh Al-Ethiopie, dans le Sharh Sunan Nasa, il a rapporté au moins 39 bienfaits, c'est-à-dire sallallahu alayhi wa sallam. Où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récité dans la prière du Fajr, la récitation lui devient alors pénible. Lorsqu'il eut terminé sa prière, il demanda, il me semble que vous récitez derrière l'imam. Nous dîmes, oui, rapidement au prophète d'Allah. Il dit, ne le faites pas, sauf pour réciter la Fatiha, car la prière de celui qui ne la récite pas n'est pas valable. Alors, on a fini un chapitre ici. Je sais que c'est peut-être un peu long pour vous maintenant. Maintenant, c'est, comme disent en anglais, up to you. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai préparé, ça m'a pris longtemps de le préparer. J'ai préparé le chapitre suivant et moi, je le trouve très, très, très intéressant. Si vous voulez, on allonge. On a encore un petit peu le temps. Je crois qu'on a 35 minutes encore aujourd'hui, Mouradiak. C'est à 45 aujourd'hui. Donc on a 35 minutes encore. Ou on arrête là et pour vous c'est un peu trop. Ou je continue, les frères qui veulent rester, ils restent, les frères qui veulent partir, ils partent. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? De quoi? Oui, c'est ça justement, c'est le chapitre-ci. C'est pour ça que j'ai dit à la fin, on va voir si. Je continue? Chapitre suivant, donc, Wujoub al-Qira'ati fi Sirriya. Il dit donc, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, Wujoub al-Qira'ati fi Sirriya, l'obligation de lire, de réciter, si vous voulez, dans Sirriya, c'est-à-dire les unités de prière à voix basse. وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعة الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين vous changez ici c'est une hamza normalement c'est pas un med hein? Vas-y non il a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Peut-être que tu vas avoir une indication de ce qu'on va dire maintenant, mais je te donne une réponse de quelqu'un d'autre, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Il dit, le frère, en fait, la question pour les frères qui n'ont pas entendu, c'est une bonne question. Il dit, Annie, est-ce que Cheikh a parlé du fait de, maintenant, on sait qu'on doit la lire, selon la Vitir Bezmoul, d'accord? Est-ce que, ouais, voilà, c'est ça, c'est quand? Et comme j'ai dit, c'est justement ce que dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Uthaymeen, si je me souviens bien, vérifie, inshallah. Vous trouvez la fatwa dans Fatwa Arkal Islam et dans d'autres livres de Cheikh Al-Uthaymeen, les cinq piliers de l'islam, les fatwa. Il dit que il voit que tu écoutes le Fatiha et que après, quand l'imam lit la deuxième sourate, qui est une sunna, bien toi tu fais passer ton wajib que lire le Fatiha. Fatuqaddim al-wajib ala sunna. Moi je vois des. Hein, on reste là. Hein. Moi, j'ai dit, je ne rentre pas dedans. Hein. J'ai aussi des questions qui me viennent directement en tête. On respecte tous les savants. On rapporte la vie comme il est. Je t'ai répondu à ta question. Cheikh Al-Albani, c'est ce qu'il dit. Attention, en sachant qu'une chose que j'ai oublié de dire, c'est que Cheikh Al-Albani, il dit évidemment, si maintenant l'imam, il lit en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et il se tait. Ce qui est la sunna. Et de dire le deuxième verset comme ça. Si toi, maintenant, tu as le temps. Est-ce que tu lis le Fatiha ou pas? Il dit, bien sûr, tu la lis. Bien sûr, tu la lis. Hein? Et si je me souviens bien réciter, Cheikh Al-Albani, ils nous ont posé la question, ils ont dit, mais il y a des imams, ils font ce qui n'est pas une sunna, et qui est même considéré comme une bid'a, c'est le fait de se taire pour laisser hein, les gens prier lire le Fatiha. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu fais le Fatiha, tu dis la Fatiha. D'accord? Si tu as le temps, tu lis, tu récites la Fatiha. Parce que l'imam n'est pas en train de réciter, même si lui, ce qu'il fait, c'est mukhalif le sunnah. D'accord? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Inch'Allah, peut-être dans d'autres cours, mais on essaie de rester collé au livre. Hein? Inch'Allah, je vous ai dit, je vous donnais des sources, allez voir. Maintenant, il y a un livre qui a été fait par Cheikh Mubarak Fouri. Hafdahullah, rahimahullah. C'est un volume comme ça. C'est au moins le double de celui-là. Hein? Et il ne parle que de cette mas'ala-là. Hein? C'est un gros volume, si tu veux, je l'ai à la maison, tu pourras jeter un coup d'œil. Je crois que même il y a peut-être un exemplaire ici. Hein? C'est notre frère Abou Sahib qui me l'avait ramené d'Arabie en cadeau. Et lui, évidemment, Cheikh Moubarak Fouri, il fait le tarjih qu'il faut la lire. Hein? D'accord? Revenez à Sifat Salah, revenez à Cheikh l'Ethiopie, Charh Sunan Nasa'i. Hein? Il rapporte en champion combien de pages et à la fin, il dit lui aussi, Cheikh l'Ethiopie, qu'il faut lire là, le Fatiha. D'accord? On est arrivé où là les frères? وفي الاخرين بفاتحه الكتاب وانما انكر التشويش عليه بها وذلك حين صلى الظهر باصحابه فقال ايكم قرا سبح اسم ربك الاعلى فقال رجل انا ولم ارد بها الا الخير فقال قد عرفت ان رجلا خالجنيها فتل التشكين خالجنيها وركزوا سبدي ان شاء الله وفي حديث اخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجهرون به فقال خلطتم علي القرآن وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. السلام. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. La question ici, qu'est-ce que vous comprenez ce hadith? Alif, harf, walam, harf, wa mim, harf. Hein? Vas-y, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, je te dis. Pourquoi? Parce qu'alif, c'est une lettre, et lam, c'est une lettre, et mim, c'est une lettre. Hein? On va voir que ce n'est pas juste. Et que l'imam Jazari, rahimahullah, dans son livre Al-Nashr fil Qira'at al-Ashr, il a rapporté de son cheikh, qui est son cheikh Ibn Kathir, rahimahullah, que ce qu'il faut dans le hadith, c'est que alif, le mot alif, en entier, c'est une lettre. Donc ce qu'il voulait par ici, chaque mot est une lettre. On va rentrer dans le lorrain un peu. Hein? Chaque mot est une lettre. Vous voyez comment on comprend mal notre shari'a. Il va rapporter Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, qu'est-ce qu'ils ont dit pour dire que, en fait, chaque lettre est une hasana, chaque mot est une hasana. Kullu kalimatin bi hasanatin. C'est-à-dire que quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu, une hasana fois 10. Lillahi, une hasana fois 10. Rabbi, une hasana fois 10. On va voir ça après, Inch'Allah. C'est pour ça que je dis que ce chapitre est très intéressant. À la fois, je suis utilisé comme Kobe parce que je me doutais que tu allais faire l'erreur. C'était pour. Enfin, que quelqu'un allait faire l'erreur, c'est pour ça. Hein? C'est toi qui t'es proposé, hein? C'est pas moi. Donc on a dit nouveau chapitre, l'auteur Kalalifas Miséricorde dit, c'est Cheikh Al-Albani Rahimahullah, l'obligation de réciter le Coran dans les prières à voix basse, et moi j'ai préféré traduire ça par les raka'a à voix basse, parce qu'on peut avoir une prière à voix haute où il y a des raka'a à voix basse. C'est juste ou pas? Quant aux prières à voix basse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé qu'il, c'est-à-dire les compagnons, récite à voix basse derrière l'imam. Jabir a dit, nous récitions dans les prières du Dhuhr et de l'Asr le Fatiha et une autre sourate derrière l'imam dans les deux premières rak'at. Et dans les deux dernières, uniquement la Fatiha. Et on va voir c'est quoi le hukm de quelqu'un qui lit une sourate après la Fatiha dans la troisième et la quatrième rak'at. Et on va voir le hukm de celui qui le fait tout le temps. Il désapprouva uniquement ceux qui le dérangeaient en élevant la voix dans la récitation. Lorsqu'il dirigea la prière du Dhuhr avec ses compagnons, alayhi salatu wassalam, radiallahu anhum, wa ardahum, il dit, qui a récité Sabbih isma rabbikal a'la? C'est-à-dire le verset dans la traduction du sens est, proclame la gloire de ton Seigneur. Un homme dit, moi. Et je ne voulais que le bien en récitant. Wa lam urid biha illa al-khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, j'étais sûr que quelqu'un me la disputait. Hein? Et dans un autre hadith, les compagnons récitaient derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam à voix haute et il leur dit, vous m'avez fait me tromper dans le Coran. Khalattum alayya al-Quran. Et il dit également, la personne en état de prière est en confidence avec son Seigneur. Yunaji rabbahu. Hein? Vous voyez un peu l'erreur qu'on fait nous quand on dérange les gens qui prient. Qu'elle fasse donc attention à la manière dont elle le fait. Et n'élevez donc pas la voix les uns au-dessus des autres lorsque vous récitez le Coran. Et il disait aussi, celui qui lit ou récite une lettre du Coran a une récompense. Et chaque récompense équivaut à 10 récompenses. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais j'ai dit plutôt que Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Et ça, on va voir ce que ça veut dire, Inch'Allah. Petite faïda, Cheikh Taqidine Hilali, rahimahullah, le grand savant marocain, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il disait qu'il connaît deux savants à cette époque-ci qui sont arrivés au degré d'imam Mujaddid. Cheikh Al-Albani et Cheikh Taqiyuddin Hilali, rahimahullah. Il utilise ce hadith pour réfuter ceux qui voient le Coran jama'atan. Vous connaissez la bid'a, hein? Les Marocains la connaissent bien, les Algériens on la connaît bien, nous. Al-Hizb, yallah. Bladawabit, tous les jours après le Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils se regroupent, ils lisent le Hizb, la moitié d'un juz. Tous les jours, aller ensemble, binarmatin wahid, c'est-à-dire avec quoi? Une seule voix. C'est pas un, il lit, les autres, ils écoutent. Ça, c'est mashrou'. Hein? Non, tous en même temps. Et parmi les points qu'il rapporte pour le fait que c'est interdit, ce hadith-là, le hadith il est clair. وَلَا يَجْهَرْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ بِالْقِرَاءَ Hadith واضح. Si je me souviens bien, il est dans le Muwatta al-Imam Malik, rahimahullah. Explication maintenant de Cheikh Bezmoul, hafidahullah, de ce chapitre-là, d'accord ? Je ne pense pas, peut-être pas qu'on va terminer aujourd'hui, alors on verra bien, inshallah. Il dit هذا الفصل اشتمل عدة مسائل وهي التالية المسألة الأولى. Donc il dit ce chapitre, eh bien, il contient plusieurs points, plusieurs affaires. Le premier point, la première affaire, المسألة الأولى حكم القراءة في السرية. تقدم في الفصل السابق التقرير الصواب في هذا وأن الذي يظهر هو البقاء على دلالة عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأن الفاتحة يقرأها المصلي سواء كان منفردا أو مأموما أو إماما في السرية والجهرية وبين أن ما ورد من عمومات في الأمر بالإنصات لا يتنافى مع القراءة في السر وقد جاء في الحديث عند مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا أي خداج خداج خداج نوفر كيسكو سادي خداج غير تمام Pour les frères qui ont fait un peu de langue arabe, déjà, ils doivent comprendre quelque chose ici. Khidaj ghayru tamam. Hein? فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَأَ الْإِمَامِ فَقَالَ اِقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ يَقُولْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي. نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي الحديث وأبو هريرة راوي الحديث وهو أدرى بمعناه من غيره وهو يقول لمن صلى خلف الإمام مطلقا اقرأ بها في نفسك. On a fini le premier point. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le jugement de l'arrestation dans la prière à voix basse, as-sirriya, ou dans la raka'a à voix basse, si vous voulez. Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent quel était l'avis juste à ce sujet. Et c'est que, ce qui est apparent, c'est de rester sur la généralité de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha. Et que la Fatiha doit être lue par le prieur, qu'il prie seul ou derrière un imam, ou en tant qu'imam, que ce soit dans les prières à voix basse ou les prières à voix haute. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait le cheikh ici? Un résumé du chapitre précédent. D'accord? Et il est clair que ce qui était rapporté comme texte généraux concernant l'ordre de cette terre n'entre pas en contradiction avec l'arrestation à voix basse. C'est quoi le dalil, le hadith de qui? Vas-y. Hadith Abi Huraira. Hein? Pourquoi j'ai dit hadith ou Abi Huraira? C'est une règle de grammaire. Mais c'est Abu Huraira al-Rawi, bilashak. D'accord? Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim, dans le livre de la prière, chapitre de l'obligation de lire la Fatiha dans chaque unité de prière. Regardez, hein, le fiqh al-ulama dans Tarajama déjà. Chapitre de l'obligation de lire la Fatiha dans chaque unité de prière. Chaque raka'a. Hadith numéro 395. D'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie une prière sans y avoir récité la Fatiha, Ummul Kitab, sa prière est khidajun. Il l'a répété trois fois. Et puis il a dit, ghayru tamam, incomplète. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire khidajun? Bien, Cheikh Mohamed ibn Adam al-Ethiopi, al-Harawi, qu'Allah le préserve, dit dans son explication de Sahih Muslim, Al-Bahru al-Muhit, Al-Thajjaj, volume 9, page 232 et 233, aux éditions Dar ibn al-Jawzi, فيها خداج بكسر الخاء المعجمة أي ناقصة نقص فساد وبطلان. C'est-à-dire, la prière est khidaj avec une kasra sous le kha, khidajun, c'est-à-dire qu'elle est incomplète au point de la pervertir et de l'annuler. Naqisatun naqsa, quoi? Fasadin wa butlanin. Hein? Et il a ensuite cité plusieurs savants qui ont expliqué ce terme khidajun. Parmi eux, l'imam al-Bukhari, dans son fameux livre Juz al-Qira'a. Il dit, قال أبو عبيد أخدجت الناقة إذا أسقطت والسقط ميت لا ينتفع به. انتهى كلامه. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu dans le loura, on prend un peu de loura aussi, c'est important pour comprendre quel est le sens du hadith ici, Khidaj. C'est quoi Abu Ubaid a dit, et c'est le même Bukhari qui le cite dans son livre Juz al-Qira'a, la chamelle akhdajat, si elle a fait une fausse couche. Et le fœtus est mort, il n'est donc utile en rien. Le fœtus, il est utile en rien. Donc qu'est-ce qu'on prend dans le hadith? Mais que cette salat, elle est utile en rien, s'il n'est pas le Fatiha. Fin de citation. Vous voyez comme le ma'na al-lughawi, il nous aide à comprendre le ma'na al-shara'i. Également parmi eux, l'imam Ibn al-Athir, c'est une source que je cite souvent dans mes cours, al-Nihaya d'Ibn al-Athir, fi gharib al-hadith, il dit al-khidaj al-nuqsan yuqalu khadajat al-naqa idha alqat waladaha qabla awanihi wa in kana tamma al-khalqi wa akhdajathu idha waladathu naqis al-khalqi wa in kana litamami al-ham. Donc al-khidaj, c'est la diminution, al-nuqsan. On dit khadajat al-naqatu, la chamelle, si elle accouche de sa progéniture avant le terme, et ce même si le petit est complet dans sa création, dans son apparence. Et akhdajat, si elle l'a enfanté avec une diminution dans son apparence, et ce même si elle l'a enfanté ou elle l'a accouché, si vous voulez, à terme. Et ce sens est affirmé, renforcé par la fin du hadith. C'est quoi le hadith que je disais tout à l'heure? Ghayru tamam. Khidajun, khidajun, khidajun, ghayru tamam. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit khidaj trois fois, puis il a dit ghayru tamam, comme pour insister, un tawkid. Et ça, c'est un des avis des ulama. Certains ulama, ils ont dit, c'est un des avis rapportés par Charles Ethiopie. Là, je rentre dans la grammaire. Ceux qui ne savent pas, ils entendent, et peut-être qu'un jour ils comprendront. Alhamdoulilah, ala kulli hal. Ça nous motive à apprendre la grammaire. Moi, là, je rentre un peu dans la grammaire pour les frères qui veulent prendre des feuilles dans la grammaire arabe. Il dit quoi? Il dit, Charles Ethiopie, que certains ulama, ils ont un avis que c'est un tawkid. Khidajun, khidajun, khidajun, ghayru tamam. Ay tawkid. Certains ulama, ils ont dit que c'est un badal minh. Et certains ulama, ils ont dit que c'est un atfou bayan, le khidaj. Si vous voulez, atfou bayan, littéralement, une conjonction de coordination, c'est-à-dire quelque chose qui est coordonné à khidaj. Pourquoi? Pour mettre en évidence c'est quoi khidaj. D'accord? Ça, c'est dans la grammaire. Là, je ne sais pas vous le traduire. On ne sait rien faire à ça. Sinon, on va rentrer dans les termes des orientalistes. Ça ne m'intéresse pas. Il fut dit ensuite à Abu Huraira, nous nous retrouvons, nous sommes... Je continue le hadith ici. Je l'ai déjà lu, complètement. Nous nous retrouvons, nous sommes derrière l'imam. Il dit, lila fi nefsika. Là, encore une fois, on doit s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire, fi nefsika? Ça veut dire que certains, comme ils font certains ignorants, tu te mets debout et tu ne bouges pas tes lèvres ni ta langue et tu dis rien, taqra fi nefsika. Hadi al-qira'a la tu'tabaru qira'atan la 'inda ahli al-lisan wa la 'inda ahli al-shara'. Comme il va, bil-ittifaq, comme il va dire le cheikh ici. Il dit, que veut dire maintenant fi nafsika pour toi-même? Taqra fi nafsika, même ma'na hada. Cheikh l'Ethiopie, hafidhahullah, fi sharh sunan nasa'i, il dit, ma'nahu, iqra bi fatih al-kitab sirran fi nafsika. Qala al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, fi kitab al-qira'ah, al-murad an yatalaffadha biha sirran duna al-jahri. Biha, wa la yajuz wa hamluhu ala dhikriha bi qalbihi duna al-talaffudhi biha. لإجماع أهل اللسان على أن ذلك لا يسمى قراءة ولإجماع أهل العلم على أن ذكرها بقلبه دون التلفظ بها ليس بشرط ولا مسنون فلا يجوز حمل الخبر على ما لا يقول به أحد ولا يساعده لسان العرب. انتهى كلام البيهقي رحمه الله. Qu'est-ce que ça veut dire اقرأ في نفسك? Qu'est-ce que ça veut dire le sens de اقرأ في نفسك? Lis pour toi-même ou lis en toi-même. Faire attention, hein. Vous voyez comme quoi des fois on peut comprendre un hadith à la ghairi ma'na. C'est pour ça qu'il faut revenir à quoi? À fam ahl al-ilm. Son sens est lis la fatiha à voix basse. Al-Bayhaqi rahimahullah a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre de la récitation, il dit, ce qui est voulu par cela, c'est de la prononcer à voix basse sans la réciter à voix haute. Et il n'est pas permis de comprendre ce hadith comme le fait de la réciter dans le cœur sans la prononcer avec la langue. Et c'est en raison de l'unanimité des linguistes, ahl al-lisan, que ne se considèrent pas cela comme une qira'a. La ya'tabirunha qira'a. Récitation, et c'est en raison de l'unanimité des gens de science, ahl al-shar'a kadalik. que le fait de la réciter dans le cœur sans la prononcer n'est pas une condition, laissa bichart wala bimasnoun, ni une sunna. Il n'est donc pas permis de comprendre ce hadith d'une manière qui n'a été dite par personne et qui n'a pas en accord avec la langue des Arabes. Fin de citation de l'imam al-Bihaqi, rahimahullah. Maintenant, continue le hadith. Suite du hadith, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a dit, قال الله تعالى, j'ai divisé ma prière entre moi et mon adorateur en deux parties. Et à mon adorateur ce qu'il m'a demandé. Wali abdi ma sa'al. Si l'adorateur dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon adorateur a fait mes louanges. Et ce jusqu'à la fin du hadith. Ce hadith, on l'a déjà vu dans quoi? Abu Huraira, et ça c'est une règle importante qui rapporte le Sir ici, il dit, est le rapporteur de ce hadith. Pour ceux qui ont fait un peu de mustalah et qui lisent un peu les livres de Mashir, les ulama disent souvent ça, ils disent que Raoul le hadith, a'lamu bima'na. Hein? C'est-à-dire celui qui rapporte le hadith, le compagnon qui rapporte le hadith, eh bien il est plus savant lui-même de son sens qu'autrui, qu'autre que lui. Donc il dit, Sir ici, Abu Huraira est le rapporteur de ce hadith. Il est donc plus savant de son sens qu'autre que lui, qu'autrui. Et Abu Huraira dit à celui qui prie derrière l'imam, et ce sans condition, de manière absolue, lis la Fatiha, ani pour toi-même, c'est-à-dire à voix basse comme on l'a vu. Vous voyez comment Cheikh il a ramené la mas'ala ici. Hein? Le deuxième point, ou si vous voulez, la deuxième affaire. La mas'ala thaniya. La qira'atu, ay al-ma'khouda, la mas'ala thaniya, la ma'khouda min hada al-fasl. وهو تحت عنوان وجوب القراءة في السرية المسألة الثانية القراءة الجهرية هي أن يقرأ الإنسان بحيث يسمعه من يكون قريبا منه والقراءة السرية أن يقرأ الإنسان بحيث يسمع نفسه ويسمعه من يجاوره واختار بعض أهل العلم أنه يكفي حركة اللسان والفم بها ولو لم يسمع نفسه أما ما يظنه بعض الناس أن القراءة السرية أن يقف صامتا دون أن يحرك شفتيه بالقراءة ولسانه فهذه لا تسمى قراءة أصلا ولا كلاما. Pour ceux qui ont fait l'ajroumia, c'est quoi le kalam? شروط الكلام في الأجرومية. C'est quoi le premier شرط? الشرط الأول. اللفظ. شفت؟ وصاحبها لم يقرأ الفاتحة ولا السورة ولم يأتي بالأذكار المشروعة إذ القراءة والقول لا بد فيه من حركة اللسان والفم فإن أسمع من يكون قريبا منه فهذا جهر فإن أسمع نفسه وحرك بالكلام شفتيه ولسانه فهذا هو السر. Qu'est-ce que Cheikh nous rapporte dans ce deuxième point tiré de cette deuxième affaire tirée de ce chapitre? Il dit, la lecture à voix haute, c'est de réciter à voix haute et que toute personne proche de lui l'entende. La lecture à voix basse, c'est de réciter à voix basse de manière à s'entendre soi-même ou à ce que la personne voisine entende. Certains gens de science ont préféré l'avis qu'il est suffisant de bouger la langue et les lèvres, même s'il ne s'entend pas lui-même. C'est-à-dire qu'il le dit, mais il ne s'entend pas lui-même, et la personne qui est à côté de lui, elle, ne l'entend pas non plus. Tandis que ce que certaines personnes pensent, que réciter à voix basse, c'est de se tenir debout en se taisant, sans bouger la langue ni les lèvres, en récitant, cela n'est même pas appelé une lecture. لا يعتبر قراءة ولا كلاما عند أهل اللسان وعند أهل الشرع بالاتفاق. Et ce n'est pas considéré comme une récitation, ni même une parole. Et celui qui fait cela n'aura pas lu la Fatiha, attention, ni la sourate, et ne se sera pas acquitté des invocations légiférées. Car la récitation nécessite de bouger la langue. Et la bouche, s'il fait entendre sa récitation à ceux qui sont proches de lui, eh bien c'est cela ce qu'on appelle quoi? Al-jahr. Le fait de réciter à voix haute. Et s'il se fait entendre à lui-même, et bouge ses lèvres et sa langue en récitant, et bien c'est ça ce qu'on appelle assir, al-qira assiriya, la lecture à voix basse. Allah. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد encore un petit peu, Inch'Allah. On va rapporter le troisième point, puis on se limitera à ça, Inch'Allah. المسألة الثالثة السنة في الصلاة أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين التاليتين أو الأخريين بفاتحة الكتاب فقط فيقرأ في الركعة الثالثة فاتحة الكتاب فقط ويقرأ في الركعة الرابعة من الظهر والعصر والعشاء بفاتحة الكتاب فقط أما في الركعتين الأوليين فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو أن إنسانا زاد على القراءة أو على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فإنه قد خالف السنة وصلاته صحيحة فإن داوم على هذا الفعل حكم على فعله هذا بأنه بدعة إضافية إذ إن خلاف السنة بالمداومة ينتقل إلى حكم البدعة الإضافية. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, troisième point, troisième affaire tirée de ce chapitre concernant l'obligation de lire, de réciter dans les rak'at à voix basse. La sunna dans la prière, c'est que le prieur récite dans les deux premières unités de prière la Fatiha et une autre sourate. Et dans les deux suivantes ou dernières, de ne lire que la Fatiha. Il ne lit donc dans la troisième raka'a que la Fatiha et dans la quatrième raka'a, c'est-à-dire de Dhuhr, Asr, Isha évidemment, que la Fatiha. Tandis que dans les deux premières, il lit la Fatiha et une autre sourate. C'est cela la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si un individu, écoutez bien ici parce que hein, si quelqu'un fait l'erreur ça va le réveiller un peu, si un individu rajoute à sa lecture en plus de la Fatiha dans les deux dernières raka'a, il aura alors dérogé à la sunna, mais sa prière est valable. S'il le fait de manière régulière, c'est-à-dire hein, il continue cette mukhalafa, cette transgression de la sunna de manière régulière, eh bien ce qu'on appelle ici c'est que le hukm, mais ça devient ce qu'on appelle une bid'a idafiyya. Hein? S'il le fait de manière régulière et continue, alors on juge son action comme étant une bid'a idafiyya. Car déroger à la sunna de manière continue devient ce qu'on appelle une bid'a idafiyya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira. Mardi, à cours de Usul Sittah, Cheikh Obeid Jabir, inshallah. Juste vérifier avec les frères pour l'heure, parce que je crois qu'à partir de demain, l'heure change. Hein? Donc vérifiez l'heure, Allah Yazikoum Bikhir, avec les caretakers, avec les frères qui s'occupent des horaires. Et faites savoir aux gens, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait cours aujourd'hui. D'accord ? Barakallahu fikoum.